le monde l'ignore. Oncle Jean-Jean, tu étais le meilleur chanteur français du monde. Oh Jean-Luc, Jean-Luc le Teignard est décédé. Je n'ai pas voulu y croire. J'ai voulu appeler dans son appartement. Il s'agissait sûrement d'une mauvaise blague. Mon Jean-Luc, Jean-Luc, Jean-Luc, je t'aime. Je voulais te rencontrer quand j'habiterai à Paris. Je te serrerai la main, je t'offrirai un verre de vin. Oh, et avec ma copine Coralie, on voulait même venir un week-end chez toi, deux jours au Mans, dans ton appartement. Vous vous auriez baisé, et moi, moi, j'aurais été scellé. De toi, je n'ai que 8 CD. Oh oui. Et maintenant, où acheter des CD? Oh, je les veux tous. Je veux me baigner de ton œuvre pour combler le manque de ne t'avoir jamais connu. Le compagnon de toutes mes frustrations, de toutes mes défaites, avec les filles que j'aimais. Non, je ne pleurai pas. Moi, je pensais à toi. Je n'aimais pas la vie, et c'est tant pis. Compagnon, dans la malbouffe du soir, étant les films, cassettes et DVD, c'était toi, et uniquement toi, mais tu es décédé. Personne ne s'y attendait. Jean-Luc est mort. Et c'est la fin du monde. Pour moi, pour Anthony, qui n'avait presque que toi. Aujourd'hui, tout le monde t'aime. Tout le monde me parle de toi. Tu as tant de succès, et c'est ce que tu voulais. Mais repose en paix. Repose en paix. Jean-Luc Le Teignard. j'ai tout.